Suite sur les ambiguïtés de la demande de justice au Tarout. C'est la parole de ceux qui disent « Ceux sur qui ont été révélés les versets désiraient la demande de justice au Tarout, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du jugement d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, nous, nous demandons justice, mais nous ne le désirons pas. » Réponse. Cette parole est vaine à travers différents points. Premier point. Lorsqu'Allah a dit « Ils veulent prendre pour juge le Tarout », il n'a pas conditionné la volonté pour traiter de mécréant celui qui demande justice à Tarout, mais c'est celui qui cite cette ambiguïté qui a conditionné cela. Alors lorsqu'Allah a dit « Ils veulent prendre pour juge à Tarout », il décrivait la situation des deux hommes, le juif et l'hypocrite, lorsqu'ils voulaient demander justice à Ka'b ibn Ashraf, qui était désigné comme Tarout dans ce verset. Mais le juif a refusé. Parce qu'ils savaient que Ka'b ibn Ashraf prenait des pots de vin. Alors, ils sont partis demander justice au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut comprendre que lorsqu'Allah a dit « ils veulent », il décrivait la situation du juif et de l'hypocrite. Il n'a pas conditionné cette volonté pour que cela devienne de la mécréance. C'est comme si l'on disait « une personne a fait ceci, et cela alors qu'elle voulait faire autrement ». La parole « voulait », lorsqu'elle se retrouve dans ce genre de contexte, vise la description de la situation. Deuxième point, ils ont dit qu'ils leur demandent justice au Tawarit alors qu'ils ne veulent pas le faire. Nul doute que ceci est faux, car personne ne peut faire un acte sans vouloir le faire, et tout acte doit être accompagné d'une volonté, contrairement à la volonté qui peut être accompagnée d'un acte ou pas. Il se peut qu'ils veuillent insinuer par leurs paroles ne pas vouloir se faire juger chez eux, qu'ils ne cherchaient pas l'aboutissement du jugement qui est l'association et la mécréance. Ceci sera expliqué au sixième point. Troisième point, l'imam Abu As-Sa'ud rahmahullah dit dans son exégèse au sujet de la parole d'Allah « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et ce qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. » Sourate 4, verset 60. L'étonnement ainsi que la condamnation vise le simple fait de demander justice à Tarout, sans y avoir recours, c'est-à-dire au jugement lui-même. Et ceci pour avertir que la volonté de le faire suscite à elle seule l'étonnement, et elle n'est pas convenable de vouloir rentrer dans cette situation. Alors, que penserais-tu du jugement lui-même ? Alors mon frère, qu'Allah te guide, médite sur sa parole. Alors que penserais-tu du jugement lui-même, c'est-à-dire le fait de demander justice à Tarout, et considère ce point attentivement. Quatrième point. La communauté s'est certes rassemblée sur le fait que celui qui attribue à autre qu'Allah une adoration apparente qui ne revient qu'à lui, est alors un associateur qui a commis la grande association, qui le fait sortir de la nation musulmane. Qu'il ait voulu ou pas, ou qu'il en soit satisfait ou pas, à part celui qui est sous contrainte. Cinquième point. Cette parole a été prise parmi les ambiguïtés, alors que l'évidence claire a été délaissée. Celle qu'Allah a montrée lorsqu'il a dit, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Et comme la parole du Très-Haut, adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Cheikh Sulaiman ibn Abdullah et le Cheikh rahmahullah a dit, Allah a dit, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. C'est-à-dire à Tarout. Et ceci est une preuve que la demande de justice à Tarout élimine la foi et va à son encontre. La foi ne peut être valide qu'en mécroyant à Tarout et en délaissant la demande de justice auprès de lui. Quiconque ne le délaisse pas n'est pas croyant en Allah. Voir dans Taysir al-Aziz al-Hamid, Fichar Kitab al-Tawhid, à la page 419. Le chapitre « La parole du Très-Haut, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent ?» Et lorsque nous connaissons l'évident, alors nous lui soustrayons l'ambigu. L'imam Mohamed ibn Abdel Wahhab rahmahullah dit pour décrire le rejet de Tarout, « Quant à la façon de mécroire à Tarout, il faut croire que son adoration est vaine et non fondée. La délaisser, la haïr, la détester et excommunier ses adeptes et les prendre pour ennemis. » Voir Majmou' al-Tawhid, la première risale. Si l'individu est convaincu de la vaineté de l'adoration à autre qu'Allah, et puis qu'il ne la délaisse pas, alors, avec cela, il n'aura pas rejeté At-Tarout. Et s'il est convaincu de sa vaineté, et qu'il la délaisse, mais qu'il l'aime et ne la déteste pas, alors, avec cela, il n'aura pas rejeté At-Tarout. Sixième point. Si vous visez par la volonté, l'intention par le cœur et la parole sans l'acte, cela est indiqué à ceux qui adorent les tombeaux et qui tournent autour et disent « Oui, Nous tournons autour d'eux et nous leur attribuons cet acte, mais nous ne voulons pas associer par cela. Il en va de soi que chez chaque mouahid monothéiste, leur parole est fausse. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: en général, quiconque dit ou fait ce qui est de la mécréance devient mécréant, même s'il ne vise pas à être mécréant, car nul ne cherche à devenir mécréant, excepté pour ce que Allah a décidé autrement. Voir dans As-Sarim al-Masloul, page 177-178. Al-Imam al-Tabari a dit dans son tafsir sur le verset suivant: ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Sourate 18, verset 104. Ceci est la preuve des preuves de l'erreur de celui qui dit qu'on ne peut être mécréant excepté lorsqu'on a l'intention de l'être, après la connaissance de l'unicité d'Allah. Car Allah nous a informé concernant ceux qu'il a cités dans le verset que leurs efforts dans la vie présente ne sont que pertes, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, dit: il y a des musulmans qui sortent de la religion sans en avoir l'intention et sans choisir une autre religion que l'islam. Il a dit aussi: j'ai dit, et parmi ceux qui se sont penchés sur ce hadith, At-Tabari, dans son Tahdid, livre, il a dit, après avoir cité les hadiths du chapitre: c'est une réponse à celui qui dit que nul parmi les gens de la Qibla, après avoir eu ce statut, ne sort de l'islam qu'après avoir eu l'intention d'en sortir et d'en être conscient. La preuve contre cela se trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent la vérité, ils lisent le Coran, ils sortent de l'islam et il ne leur en reste rien. Fath al-Bari, volume 12, page 267-269. Ibn Qudama dit dans Al-Kafi: car l'apostasie en général est le fruit d'une ambiguïté qu'il atteint. L'imam rénovateur Muhammad ibn Abdel Wahab rahimahullah dit: le troisième est ce qu'ils font auprès d'elles, les tombes, comme leur demander d'exaucer les invocations et de satisfaire leurs besoins, leur demande de secours. N'est-ce pas cela que faisaient les associateurs parmi les Arabes avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant Lat, Al-Uzza et Manat? Le quatrième est celui qui fait ceci tout en étant musulman, croyant. Devient-il mécréant et sa foi devient-elle vaine? Si tu n'as pas compris la première, alors regarde les questions des deux anges à l'associateur dans la tombe et sa réponse: Oh, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai dit la même chose. Si tu dis que l'intention des anciens associateurs est différente de celle de la personne qui invoque les tombes aujourd'hui, alors tu te dois de prouver cette différence avec des preuves tangibles du kitab, de la sunna ou de l'unanimité de la umma. Si tu dis que l'islam le protège de la mécréance quoi qu'il fasse, alors regarde ce qui est dit dans le chapitre « Jugement de l'apostat » dans le livre « Al-Iqna' » et d'autres. Allah est le seul savant. Voir dans « Majmou' Fatawa wa Rasail wa Al-Ajwiba » 50 Risala dans At-Tawhid, page 88. Et il a dit aussi, le Shiradi dans Risala As-Saniya, lorsqu'il a cité le hadith sur les Khawarij et leur sortie de la religion et l'ordonnance du prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre. Si à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des gouverneurs qui l'ont succédé, il y avait des gens qui s'attribuaient à l'islam et en sont sortis malgré leur grand acte d'adoration, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait ordonné de les combattre. Donc on doit savoir que celui qui s'attribue à l'islam et à la sunna à notre époque peut lui aussi sortir de l'islam. Voir dans Tariq al-Najd à la page 367. As-San'ani dit dans sa risale « Purification de la croyance, de l'impureté, de l'association et de la mécréance », page 12. Si tu dis qu'ils sont ignorants de l'association qu'ils commettent, je réponds que les savants ont cité dans les livres de jurisprudence, dans les chapitres de l'apostasie, que celui qui prononce la parole de mécréance devient mécréant, même s'il n'avait pas visé le sens de la parole qu'il a prononcée. Ceci est une preuve qu'ils ne connaissent pas la vérité de l'islam et du tawhid, ce qui les rend mécréants de souche et non pas apostats. Certains se sont trompés concernant le sujet de l'excommunion du particulier. Ils ont cru que celui qui commet la grande association accompagnée d'une mauvaise interprétation ne devient pas mécréant et ne sort pas de la milla de l'islam. Ils prennent pour preuve certaines choses, telles que l'histoire de Al-Ma'mun, lorsqu'il a dit que la parole d'Allah est créée, et Al-Imam Ahmed ne l'a pas traité de mécréant et autre que cela. Et sans aucun doute, ceci est une grave erreur, car il y a une différence entre l'association et la mécréance claire, évidente, telle que l'association dans l'adoration, et se moquer d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et autres entre la mécréance cachée, telles certaines paroles de mécréance ambiguës, et l'interprétation de certains attributs du Seigneur que les gens peuvent ignorer, comme l'attribut de parole pour Allah et autres. Et parmi ceux qui se sont penchés sur l'explication de ce sujet, on trouvera Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmahullah, comme il peut être lu dans ses Rasa'il, se trouvant dans les Tarikh Najd de Hussein ibn Ghanem, où il a cité comme Ibn Taymiyyah a différencié l'association dans l'adoration et la prononciation de certaines paroles de mécréance ambiguë. Aussi, Abdullah ibn Abdelrahman Ababatin, Ishaq ibn Abdelrahman ibn Hassan el-Sheikh dans sa risale Hukum Takfir al-Mu'ayyin et bien d'autres savants. Troisième ambiguïté, c'est la parole de celui qui dit que le fait de demander justice, même si c'était du shirk, ne serait que du petit shirk, qui n'atteindrait pas le stade du grand shirk jusqu'à ce qu'il soit accompagné de l'istihlal, ou d'une croyance, comme le fait de jurer par autre qu'Allah. Réponse. Premier aperçu. Il est connu que l'adoration qui n'est vouée qu'à Allah, comme l'inclinaison, la prosternation, l'invocation, la demande de secours, le sacrifice, le vœu, les tournées révérentielles, la demande de justice, la peur, l'espoir, le retour à Allah, l'amour, la vénération et autres parmi les adorations se divisent en trois parties. Certaines sont liées à la croyance, d'autres liées aux paroles et d'autres aux actes. Quant aux paroles apparentes qui sont liées aux paroles et aux actes, comme l'invocation, la demande de secours, l'inclinaison, la prosternation, le sacrifice, le vœu, les tournées révérentielles, la demande de justice et autres. Alors celui qui attribue l'une d'entre elles à autre qu'Allah, que ce soit aux idoles, aux morts, aux tawarites, il deviendra donc de ce fait mécréant et sera tombé dans la grande association. Et ceci n'implique ni une croyance, ni le fait de rendre halal, car il aura montré l'attribution d'une adoration à autre qu'Allah. Quant aux adorations cachées qui sont liées à la croyance, comme la peur, l'espoir, l'amour, la vénération et autres, il est nécessaire pour juger de la mécréance de celui qui les attribue à autre qu'Allah, de montrer cette adoration, et ceci en le prononçant par la langue, afin de montrer cette croyance, car c'est une adoration cachée qui siège au niveau du cœur. Celui qui a apporté cette ambiguïté a fait une analogie fausse du fait qu'il n'a compris ni le sens de Tawhid, ni le sens de l'adoration. Il a donc mis au même niveau la demande de justice qui est une adoration et le fait de jurer par autre qu'Allah, qui n'est qu'une expression d'association, mais qui n'est pas une adoration. Il pourrait se demander, pourquoi alors les savants ont attesté que le serment par Allah était une adoration ? La réponse. Nous disons que les savants ont fait du serment par là une adoration, car ce serment est accompagné par l'adoration de vénération. Et celui qui jure, lorsqu'il jure par Allah, sait qu'Allah est sublime et qu'il mérite qu'on jure par lui. Et il jure donc par lui, ce qui fait de ce serment une adoration, car il est accompagné de vénération. Et c'est la vénération qui est une adoration, et non le serment lui-même. Car le serment n'est que le fait de jurer. S'il était pour Allah avec une vénération, alors c'est une adoration. Et s'il était pour autre qu'Allah, c'est une expression d'association et une branche parmi les branches du petit shirk. On ne peut qualifier celui qui le fait d'être tombé dans le grand shirk, jusqu'à ce qu'apparaisse une vénération pour celui par lequel il jure, et ceci par sa croyance exprimée par le biais de la parole avec sa langue. Et c'est pour cela que les savants ont dit que celui qui jurait par autre qu'Allah était certes tombé dans la petite association et qu'il ne sortait pas de la nation musulmane tant qu'il ne croyait pas que l'objet de son serment méritait qu'on jure par lui. Ils ont donc conditionné pour le rendre mécréant la manifestation d'une vénération pour l'objet du serment, c'est-à-dire une attribution de l'adoration de la vénération à autre qu'Allah, car c'est une adoration du cœur caché. Et si un homme jure par autre qu'Allah et montre de la vénération à l'objet du serment, alors il sera associateur dans la divinité. La cause de son association ici, c'est le fait qu'il ait montré l'adoration. Donc nous n'allons pas le faire et lui demander s'il a cru ou pas. Aussi la demande de justice est une adoration apparente, comme la prosternation, la tournée révérentielle. Celui qui l'attribue à autre législation que celle d'Allah, après connaissance, est un mécréant. Et ce n'est pas une adoration cachée du cœur comme la vénération qui nécessite une manifestation par le biais de la prononciation par la langue. Deuxième aperçu. Il est connu que le fait de jurer par autre qu'Allah n'a pas été interdit dès le début de l'islam. Ce n'est que par la suite que les textes sont venus interdire le fait de jurer par autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah vous a interdit de jurer par vos ancêtres », rapporté par Bukhari. Comment peut-on comparer ce qui n'a pas été interdit dès le début de l'islam avec ce sans quoi l'islam du serviteur ne peut être valide, à savoir le reniement de tout jugement en dehors du jugement d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ceci en ne le prenant pas pour juge. Puis nous disons, cette fausse comparaison implique qu'il était permis aux musulmans de cette époque et avant la révélation des versets qui interdisent la demande de justice à At-Tarou, de demander justice aux devins et aux rebelles parmi les gens du livre, ainsi qu'à leurs tawarites, puisque selon leurs prétentions, la demande de justice est comme le fait de jurer. Quatrième ambiguïté, c'est la parole du Shir al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, dans Majmou' al-Fatawa, sur laquelle s'appuient certains, qui est « Et ceux-là qui ont pris leurs moines et rabbins comme seigneurs lorsqu'ils leur ont obéi dans le fait de rendre halal ce qu'Allah a rendu haram ». Et haram, ce qu'il a rendu halal, sont de deux sortes. Ceux qui savent que ces derniers ont changé la religion d'Allah, suivent leurs dirigeants dans ce changement, tout en étant convaincus de la permission de ce qu'Allah a interdit et de l'interdiction de ce qu'Allah a permis. Et tout en sachant qu'ils contredisent la religion du messager. Ceux-ci commettent donc de la mécréance. Ceux dont la conviction et la foi sont fermes en l'interdiction du permis et en la permission de l'interdit, mais qu'ils leur obéissent dans la désobéissance à Allah, comme lorsque le musulman fait des péchés, tout en croyant que ce sont des péchés. On applique alors sur ces derniers la même règle appliquée sur ceux qui font des péchés. Voir Majmou' Fatawa, volume 7, page 70. La réponse. Première réponse, c'est que ces gens-là, qui ont argumenté avec la parole du Shir al-Islam Ibn Taymiyyah, précité, n'ont pas saisi et n'ont pas fait la différence entre l'obéissance dans l'association et l'obéissance dans le péché. L'obéissance dans le péché est le fait qu'une personne obéisse à une créature pour faire un péché parmi d'autres, tout en croyant que ce péché est interdit. Ceci est considéré comme une obéissance dans le péché, qui ne fait pas sortir de l'islam celui qui la commet, sauf si elle est accompagnée d'une croyance ou du fait de le rendre halal. Tandis que l'obéissance relative à l'association consiste à ce qu'une personne suive une créature ou lui obéisse dans un acte de shirk, de polythéisme, comme si on lui disait « prosterne-toi devant une statue » et qu'elle se prosterne, ou qu'on lui dise « sacrifie pour ce djinn » et qu'elle sacrifie, ou encore « va demander justice à une autre législation que celle d'Allah » et qu'elle y aille et demande justice. Cela est considéré comme une obéissance dans l'association, et celui qui l'accomplit devient associateur à Allah, même s'il n'a pas de croyance en cela, ni ne le rend halal. Ce à quoi, faisant allusion Ibn Taymiyyah, était l'obéissance dans le péché, et non l'obéissance relative à l'association. Deuxième réponse. Il y a la différence entre l'obéissance et la demande de justice. L'obéissance peut être une obéissance dans le péché ou une obéissance dans l'association, comme nous venons de le démontrer dans la première réponse. Tandis que la demande de justice est une adoration pure, tout comme les vœux ou les tournées révérentielles. Quiconque l'attribue à un autre qu'Allah et sa législation est un associateur. Ceci a été démontré par les savants dans leurs livres et leurs pamphlets. Al-Sheikh Abd al-Latif ibn Abd al-Rahman ibn Hassan al-Sheikh rahimahullah a dit « Celui qui demande justice à autre que le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam après connaissance est un mécréant. » Voir dans Dar al-Sani, volume 10, page 426.